Seigneur, je te loue, je te glorifie pour tout ce que tu es. Reçois ce chant comme un signe de reconnaissance. À toi soit toute la gloire. S-S-K-K-Y-Y-Sky. Je veux te louer, Jésus, être un témoignage vivant de l'immensité de ton amour. Je viens te porter une adoration digne de l'étendue de ta dimension. Être un parfum de bonne odeur qui monte vers toi avec douceur. Toucher ton cœur qui est la source de mon bonheur. À chaque jour, à chaque heure, rester fixé à toi, Seigneur. Et là, tu m'appelles à parler de toi, tu m'appelles à chanter tes louanges, tu m'appelles à glorifier ton nom, tu m'appelles Alléluia, tu m'appelles à parler de toi, tu m'appelles à chanter tes louanges, tu m'appelles à glorifier ton nom, tu m'appelles Alléluia. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je le dis, la bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. Psaume 89, versets 1 à 3. Amen. Tu m'appelles à parler de toi. Tu m'appelles à chanter tes louanges. Tu m'appelles à glorifier ton nom. Tu m'appelles. Alléluia, tu m'appelles à parler de toi, tu m'appelles à chanter tes louanges, tu m'appelles à glorifier ton nom, tu m'appelles. Alléluia, je veux chanter pour toi, je veux louer ton nom, je veux chanter pour toi. Ton nom est si grand, ton nom est puissant, ton nom. Down Caribbean Gospel Music again. Louez bonté.